Kanyangi. Merci madame, monsieur de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Passation ce samedi dans tout le pays. Des tests de recrutement des magistrats 3e édition et tests intellectuels pour admission au grade d'officier au sein des forces de défense nationale. Un garçon de 7 ans de la commune Burambi a été tué ce vendredi, décapité. Le présumé auteur, son oncle maternel, a été arrêté. Des natifs de la commune Mukike craignent un déboisement pour laisser place à la culture de pommes de terre. L'administration communale tranquillise. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité pour débuter cette édition. Un garçon de 7 ans habitant Murara, en commune Burambi de la province Rumonge, a été tué décapité à la machette vers 15h30 de ce vendredi. Le présumé auteur de ce crime, son oncle maternel, a immédiatement été arrêté par la police de Burambi, où il a passé la nuit selon des sources administratives et policières à Burambi. Dès 11h de ce samedi, il est locataire du cachot du commissariat provincial de police de Rumonge pour être traduit ensuite en justice selon la police de Rumonge. Parlons justice à présent. 702 candidats ont passé ce samedi en concours de recrutement des magistrats 3e édition dans tout le pays. Un test organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'Agence belge de coopération ENABEL. Édouard Minani, président de la commission chargée du recrutement, indique que parmi ces candidats, seuls une centaine seront retenus par ordre de mérite. Le point avec Ornella Mucho. Le concours de recrutement des magistrats a été organisé au niveau national ce samedi et 702 candidats ont passé son concours parmi 750 qui s'étaient fait inscrire pour y participer. Édouard Minani, président de la commission chargée de recrutement, indique que les premières et deuxièmes éditions avaient eu lieu respectivement en 2014 et 2015. Il tient à souligner que 760 candidats seront retenus et recrutés conformément aux résultats du test écrit et oral. Et au niveau du décret mettant en place le centre de formation professionnelle de la justice de 2003, si nous le faisons aujourd'hui, ce n'est pas que le cadre légal n'était pas là, mais c'est-à-dire qu'en ce moment, en 2014, il y a eu le concours de recrutement des magistrats qui a été suivi par la formation initiale. Et en 2015, il y a eu aussi le concours de recrutement des magistrats. Et après 2015, vous savez, en 2015, il y a eu une crise, je dirais, interne au Burundi, qui a fait qu'il fallait d'abord gérer la crise et nous reprenons avec le pour nos habitudes de passer par le concours au niveau de recrutement des magistrats. Je dirais qu'il y a deux motifs principaux. Notamment, il y a un besoin en ressources humaines. Et puis, je pense qu'après, on peut retrouver aussi un besoin d'autres personnels. Mais comme on aura la base de données qui est disponible, ce sera facile de procéder au remplacement. Et deuxième motif, c'est qu'il faut, nous sommes entrés dans l'objectif d'avoir des ressources humaines ou des magistrats compétents, c'est-à-dire qui sont recrutés sur concours et qui sont formés pour vraiment servir l'intérêt de la justice, mais aussi servir les justiciables conformément à la loi. Johan Tinès, responsable du projet d'appui au secteur de la justice à l'agence belge de développement ENABEL, indique qu'ENABEL est fier de soutenir ce type d'initiative visant à moderniser et améliorer la qualité du système judiciaire et pénitentiaire. À la demande du ministère de la Justice, ENABEL, à travers un financement de l'Union européenne, soutient l'initiative qui nous a été soumise visant à régénérer le corps de la magistrature. Nos objectifs, à travers ce soutien au centre de formation professionnels de la justice, le CFPJ, qui pilote le processus de recrutement, doit nous permettre et doit permettre au ministère de la Justice d'avoir une nouvelle promotion de magistrats, dont 30% de femmes qui seront encouragées à l'issue des deux épreuves écrites et orales de ce concours. Pour nous, il s'agit vraiment d'une plus-value, puisqu'il y a la volonté des autorités de promouvoir ce recrutement par concours et donc d'assurer par transparence et par la méritocratie que les meilleurs candidats soient ensuite formés pour intégrer les différentes juridictions. La passation de ce concours de recrutement des magistrats, 3e édition, a eu lieu sur différents sites situés à Bujumbura, Ngozi, Gitega, Makamba et Bururi. Et 43 personnes, dont 15 femmes des provinces Bururi et Rumonge, ont participé à ce concours. En province Bururi, Spes Caritas Bishoboye, responsable du centre de passation de ce concours à Bururi, a appelé les candidats à éviter la tricherie et à ne pas mentionner des signes distinctifs sur leur copie. Le point avec Zeno Nzambimana. Ce concours de recrutement des magistrats édition 2024 s'est déroulé ce samedi au chef-lieu de la province d'Obololi, où 43 personnes, dont 15 femmes et 28 hommes sur 45 qui étaient retenus dans les provinces Bololi et Rumonge, ont pu passer ce concours. Parmi les candidats figuraient 24 en provenance de la province Bololi et 19 de la province Rumonge. Cet examen qui a duré 3 heures a débuté à 11h33. Space Caritas Bichoboye, première responsable du centre de passation de ce concours à Bololi, a appelé les participants à éviter toute tentative de tricherie et à ne pas mentionner aucun signe distinctif sur leur copie, car ce concours a été organisé de façon que même les correcteurs ne seront pas à mesure d'identifier les candidats. Certains des participants à ce concours ont vivement salué que le ministère de la Justice organise aujourd'hui des concours de recrutement des employés. Ils demandent que seuls ceux qui réussiront réellement plus que d'autres soient recrutés pour faire face au népotisme dans le recrutement des employés. Ce concours de recrutement des magistrats s'est déroulé dans les provinces Bujumbura, Ngozi, Gitega, Makamba et Bururi, avec le soutien du programme européen d'appui au secteur de la justice au Burundi. Et 140 magistrats seront recrutés cette année, selon le ministère de la Justice. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Autre test ce samedi, c'est ce test intellectuel pour admission au grade d'officier au sein des forces de défense nationale du Burundi. En province Kayanza, 39 sur 41 candidats qui se sont fait inscrire ont répondu présent. Et parmi ces candidats, 11 sont des filles. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Ce samedi, dans tout le pays, au chef-lieu des provinces, il se fait passer le test intellectuel pour admission au grade des officiers de l'armée burundaise. Le test est composé par trois disciplines, dont le français, les mathématiques et l'anglais. Au chef-lieu de la province Kayanza, 39 candidats, dont parmi eux 28 garçons et 11 filles, ont répondu présents à cette activité. Selon les informations fournies par les chargés de faire passer le test, parmi ces 39 candidats, il n'y a aucun candidat de la catégorie sociale et débattoire. Vous saurez que dans l'inscription des sous-officiers de ces derniers jours dans l'armée burundaise, beaucoup de jeunes garçons en province Kayanza n'ont pas eu la chance de se faire inscrire du fait qu'ils s'étaient fait des tatouages sur le corps. Sylvain Bakanibona, conseiller socio-critère du gouverneur à Kayanza, conseille les jeunes dans cette province à ne pas copier les mœurs des pays occidentaux, arguant que cela peut leur causer problème d'une façon ou d'une autre. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Et au niveau national, 705 candidats s'étaient fait inscrire, 628 garçons et 77 filles, selon des informations provenant de la FDNB. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition. Les partenaires du Burundi devront se référer sur les résultats du récent recensement de la population, agriculture et habitat, selon le directeur général de l'Institut national de la statistique du Burundi, INS Boul. Lors de la clôture du mois dédié à la statistique ce vendredi, Nicolas Ndayishimiye a informé que le rapport provisoire de ce recensement sortira avant la fin de cette année. Nous sommes en train de travailler en tant que technicien au niveau du bureau central du recensement. Même maintenant, au moment où je vous parle, l'équipe du BCR est en retraite à Gitega pour le traitement et la production des données préliminaires. Et nous pensons que ces données seront transmises au Comité national d'orientation du recensement avant la fin de cette année. Ces données sont produites pour guider la planification, pour guider le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement, et notamment pour renseigner les cibles et les indicateurs de la vision du Burundi comme pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, et renseigner aussi les indicateurs du plan national de développement du Burundi révisé. L'appel que je lance déjà à tous les décideurs politiques, c'est d'utiliser ces données pour la prise des décisions. C'est la même voie que j'utilise auprès des partenaires. Les interventions des partenaires dans tel ou tel autre secteur doivent être guidées par des statistiques. Donc, si un partenaire X travaille dans le secteur de l'éducation et que les statistiques nous montrent qu'il y a un déséquilibre entre les provinces, c'est que le partenaire devrait se focaliser vers les provinces qui ont des défis plus prononcés que les autres. Parlons agriculture à présent des citoyens de la commune Moukike en province Bujumbura, cultivent de plus en plus d'étendues, mais certains s'inquiètent par rapport à cette action, poussant certaines localités à être déboisées. Des natifs de cette commune s'inquiètent, mais l'administration communale tranquillise et appelle la population à recourir aux arbres pouvant cohabiter avec leurs plantations. Le point avec Alain Désiré Boukeneza. La commune de Moukike était connue par ses collines avec beaucoup d'arbres, mais au fur et à mesure, la population ne cesse de les remplacer par d'autres cultures, et spécialement la pomme de terre. C'est ce qui inquiète certains agriculteurs de la localité. On constate qu'il y a des arbres dans certaines parties, mais là où les cultivateurs reçoivent de bonnes récoltes de pommes de terre, ils décident de déraciner les arbres pour y planter les pommes de terre. Les conséquences ne peuvent pas manquer. La pluie ne tombe plus régulièrement. Les mêmes inquiétudes sont soulevées par des natifs de cette commune. Patrice Sabogouheba se réjouit que cette population adopte de l'agriculture, mais ce qui est de l'arbre est ignoré. Il n'y a pas de terrain mis en jachère, il n'y a plus d'arbres et le seul grenier d'arbres et de bois de chauffage, c'est le Moheha. La commune, par le biais des agronomes en charge de l'agriculture et des agronomes en charge de la protection de l'environnement, des agronomes forestiers, devrait préparer le plus tôt possible des pépinières d'arbres qui peuvent cohabiter avec l'agriculture et sinon, demain après-demain, les ménages auront toujours à chercher des bois de chauffage sur le Moheha et le conflit va commencer. De son côté, Victor Mugigi trouve qu'il est temps que le peuple soit obligé de planter des arbres. Mon souhait est de voir l'administration, via les chefs de colline, organiser régulièrement des campagnes à obliger la population à planter les arbres sur tous les espaces et paysages dénudés et de punir sévèrement les criminels qui brûlent les forêts. Des conséquences restent prévisibles comme l'érosion, une explication du professeur et expert en environnement Erasme Nguye. Si tous ces versants n'ont plus d'arbres, il n'y aura plus d'eau qui s'infiltre pour alimenter les cours d'eau. Ce qui va arriver est qu'après la tombée de la pluie, les eaux dévalent les versants et se jettent dans les rivières et inondent les régions en aval. Alors que pendant la saison sèche, on n'aura plus d'eau dans les rivières. Dans tous ces champs, il va commencer à y avoir des rigoles. Il y aura une perte de terre énorme. L'administrateur communal de Moukike, Frédéric Manilakiza, indique qu'actuellement, sa population est sensibilisée afin qu'elle adopte de plus en plus une agriculture soucieuse de la protection de l'environnement. Ainsi, il ne cesse de les appeler à préparer des pépinières irrelatives. La commune de Moukike est faite de différentes hautes montagnes, mais la plus connue est Heha, qui se situe à une altitude de 2670 mètres. Et en province Karoussi, certains des agriculteurs s'indignent du manque d'engrais, en particulier celui de type urée, qu'ils appliquent avec le sarclage des champs de maïs. Ils regrettent qu'ils possèdent encore des tickets de solde d'engrais qu'ils devraient avoir déjà utilisés et qu'ils risquent des pertes énormes malgré les efforts et dépenses engagées. Le directeur provincial de l'agriculture, élevage et environnement à Karoussi fait savoir que chaque quantité reçue est immédiatement distribuée. Une information que nous devons à notre correspondant en province à Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye. Et c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes tout de suite après. C'est la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouimana. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. L'insuffisance de l'urée risque d'influer négativement sur la production agricole, alerte l'agence burundaise de presse, qui rapporte les inquiétudes de certains agriculteurs de la province Bubanza en cette période de sarclage et de binage, du fait que cela pourra occasionner la diminution en production agricole, pour cette saison culturelle A. Les données du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage montrent que sur un besoin exprimé de plus de 2400 tonnes d'urée, seuls un peu plus de 770 tonnes sont déjà octroyées, soit un taux de livraison de 31%, explique l'ABP. Des cultures ayant beaucoup plus besoin de ce type d'engrais dans cette province de Bouvanza sont surtout le riz, le maïs, des pommes de terre et des cultures maraîchères, précise l'ABP, citant des sources du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Bouvanza. Son directeur, Sylvestre Ndaïchimiye, reconnaît toujours dans les colonnes de son confrère qu'une fertilisation non adéquate peut conduire à une perte comprise entre 10 et 15% de la production. De son côté, Burundi Eco constate l'envolée des cours du poisson. En effet, d'après son confrère, les prix du poisson restent très volatiles sur le marché. Les pêcheurs évoquent la pénurie du carburant et la cherté du matériel de pêche comme principale cause de cette situation. Ces deux facteurs combinés et le coût du transport influent sur la variation des prix. Au marché de Rumonge, par exemple, rapporte ce journal, un tas de 5 poissons moukéké se négocie à 50 000 francs burundais et un kilo de frétin séché frôle les 80 000 francs bou. Les acheteurs préfèrent le poisson fumé en provenance de la Tanzanie à la place du poisson frais plus cher. Ce cas est loin d'être isolé puisque l'inflation rythme le vécu quotidien des ménages, comme l'écrit l'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique Burundi Echo. En cette période de soudure, les prix des denrées alimentaires repartent à la hausse, constate-t-il. Les céréales, les légumes et les produits carnés sont hors prix, d'où l'urgence de prendre des mesures efficaces pour atténuer les effets de l'inflation, conclut Burundi Echo. Revue de la presse. La voix de l'enseignant fait un regard sur le droit d'accès à l'éducation au Burundi sur base de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989 et qui garantit aux enfants du monde entier un certain nombre de droits, dont l'accès à l'éducation. Son confrère constate que malgré les actions positives déjà menées, de nombreux obstacles barrent toujours l'accès à l'éducation pour tous les enfants en âge de scolarité. Ces obstacles s'expliquent essentiellement par la taille de la population d'âge scolaire qui nécessite une mobilisation plus importante des moyens financiers pour la construction de nouvelles salles de classe, pour acheter le matériel scolaire et pour recruter de nouveaux enseignants. Mais ces besoins ne sont pas comblés. Ainsi, poursuit cet hebdomadaire de l'éducation, les enfants en âge de scolarisation ne trouvent pas de place à l'école. Ceux qui ont de la chance d'être inscrits étudient dans de mauvaises conditions, d'où des taux élevés d'abandon scolaire, note la voix de l'enseignant. Éducation, toujours, mais cette fois-ci avec le journal Net Press, qui rapporte l'incident qui s'est passé à l'école fondamentale de Kanyinya, dans la province de Kirundo, où un enseignant du nom de Joseph Miburo a modifié les notes d'une élève fille, Sylvie Nikiza, afin qu'elle avance de classe. Elle avait échoué en 8e l'année dernière et au cours de cette année scolaire, elle s'est présentée dans la classe de 9e. Au terme des enquêtes, il a été constaté que cet enseignant, qui était en même temps titulaire de cette classe, est l'auteur de cette tricherie éhontée. L'élève en question a été chassé de l'école, mais ce qui a surpris les parents, poursuit son confrère, c'est que l'auteur de cette tricherie n'a pas été inquiété par le geste qu'il a posé. Les enquêtes se poursuivant, souligne son quotidien en ligne, il y a eu ce constat amer que le directeur de l'école est complice dans cette manœuvre et que les deux hommes bénéficient d'un soutien sans faille de la directrice provinciale de l'enseignement, Léocadie Mukaporona. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.